Yeah. Lucifer in darkness. Non, ça dort pas. Yeah. Ça dort pas. Quand on arrache le mic, quand on remplit des pages, quand on sort de nos caches. Non, ça dort pas. Même sous weed, étage après étage, on dégage dans le feed. Des fourrés comme le boucher, cisaille comme le target. J'ai pas taille, tu peux aller te coucher. Le Wazer te saigne, veille tard. Faut que ça paye tôt ou tard. Réveille les bâtards qui sommeillent dans l'espoir. Dans le rap on s'est greffé. Bomber va faire trottoir, c'est ton heure. Le compteur tourne, on évolue, on n'échappe plus, on teste. C'est la vie qu'on a voulu de bon cœur. Comme au début on se réunit. Ici toujours partant pour du freestyle. Pas trop peur que tu ferais près, que tu ferais quand on crée. Cristal MC on te brise en un trait. On se défait des limites, j'ai des missiles. Termine à genoux, t'aimes que t'aimes ou pas. C'est la même si, si t'es pas d'ici. On découpe ton crâne, on t'aime, t'es pas des trailles. Pour tous les corps on utilise la même si. C'est sincère. Je te suis, j'ai trop les nerfs. Mon cerveau sert. Laissez-nous faire, c'est rare. Si tu fermes pas du sursis. Explosif, corrosif, impulsif. Pas besoin de me pousser en mode survie. Fils, on veut faire du bif. Arracher des sous-gifs. Te faire des gros les sous-splits. On spire, on tire. On sniff, on se tire des douilles. On se vide les couilles. Ça fait des transactions comme un pogotin. Nos potards, de flow potable, on s'adore pas. Tu crois que ça dort? Même si ça fait sauter deux fois. Quand je suis en poids, j'ai plus de mort dans tous ces boîtes-là. Le chien boit ce qu'il ne mord pas. Pour tous les morts fans, pour tous les stables qui pensent au braquage. Braquage, si t'as pas la pratique. On joue quoi dans la même team et tu veux m'intimider de fond. Fracassé, explosé sur les caisses et sur les bois. Ça brasse les phrases, inspiré, brasse, on vu mes yeux rouges. Ouais, rouge sang, pourquoi ça t'emmerde? Dès que t'entends, ça parle d'herbe, tu flippes et je t'emmerde. Moi je vous sens toute une équipe d'assistants. Je dors pas, te casse du côté des résistants. Oh, ça dort pas, c'est ta paix, ça t'agresse. Tu veux un drame, tu connais l'adresse. Je suis véritable, amnésion. Des chiens qui mordent des corpules. En soumission, quand tu nous croises, on nifle nos bulles. Ça dort pas. On a trop de temps, on fume toutes les proies. On ne respecte pas tes cornes. Ça dort pas. Associé pour te corps, ça dort pas. On a trop la talent froide, on fume toutes les proies. On respecte pas tes corps, non, ça dort pas.